chante que la France nous nique depuis la nuit des temps. Pendant que tu danses la tectonique sur David Guetta, je terminerai pas la reine par ghetto. Ça c'est trop facile, chante que la devise de ce pays est une grosse farce. Avant le rap était en marge de cette société. Aujourd'hui squatte le show business sans respect pour ce qu'il a été. Comment vous dire, la vie devient dure et y'a trop de choses à dire. Certains jettent leur fierté dans le vide ordure pour avoir une grosse voiture. Chante que certains rappeurs donnent envie de vomir. Arrêtez de faire les acteurs, parlez un peu de vos vies. Je rappe parce que j'ai vu trop de merde depuis mes 25 berges. Et ça fait mal comme une vierge qui connaît la baisse. Son c'est un peu comme la peste, qui dit la baisse à la tête. Son moi je le fais à la caisse, pas pour que tu passes à la caisse, mais plutôt pour que tu te rappelles qu'on est pas boum dans la classe. J'étais peut-être dernier de la classe, mais j'écris mes phases avec classe. Prends-nous au sérieux comme concurrent, avant de penser à ton compte courant. Dans le rap tu t'avances à contre-courant. Encouragé par tous ceux qui nous entourent, malgré ceux qui nous emmerdent, qui nous mentent et nous enterrent. Prends-nous au sérieux comme concurrent, avant de penser à ton compte courant. Dans le rap tu t'avances à contre-courant. Encouragé par tous ceux qui nous entourent, malgré ceux qui nous emmerdent, qui nous mentent et nous enterrent. Moi j'ai le mort, moi j'ai le mort, j'ai plus 20 piges mais j'en vends encore. Donne-moi un microphone et tu verras comment je m'en sors. On me dit suivre la tendance si je veux attirer l'attention, mais je préfère rester vrai même si ça freine mon ascension. Ma carrière moi je la vois comme une montagne que j'escalade. Je veux atteindre le sommet sans la star qui est leur mascarade. Le beat à la patate et mon cœur bat la chamane. Pas pour la techno, alors à quand la rap parade, parade. Le rap c'est pas une pute qu'on peut maquer. Moi je le respecte comme une femme avec qui on veut se marier. Un sentiment d'injustice me pousse à gratter des pages. Moi je rappe pas pour faire des clashs, mais pour passer des messages. La vie n'est pas si merveilleuse, j'ai pas de la merde dans les yeux. Quand je regarde autour de moi, je peux pas la mettre en veilleuse. Trop sincère pour susciter l'intérêt des producteurs. Mon rap il vient de la rue, mais avant tout il vient du cœur. Prends-nous au sérieux comme concurrent, avant de penser à ton compte courant. Dans le rap tu t'avances à contre-courant. Encouragé par tous ceux qui nous entourent, malgré ceux qui nous emmerdent, qui nous mentent et nous enterrent. Prends-nous au sérieux comme concurrent, avant de penser à ton compte courant. Dans le rap tu t'avances à contre-courant. Encouragé par tous ceux qui nous entourent, malgré ceux qui nous emmerdent, qui nous mentent et nous enterrent. Sur Paris on prend la vie de voler comme Paoletta, pendant qu'ils s'inventent une vie de vendeur d'extra pour faire kiffer les tasses. Mon rap une vendetta qui fait trembler l'état, comme si je maquais la France avec un Beretta. J'éclate une carrette si je pense qu'à me barrer d'ici. Quand je vois certains MC faire des sous sur la Tessie, on attend plus le Messie, mais on tue le temps à cramer de la résine. On se voit comme Jacques Mesrine au lieu de s'imaginer en fac médecine. Les rimes niquent ceux qui s'en mettent plein les narines. Tu t'enlèches les babines, on baisse tout dans la cabine. Apprécie le featuring, détends-toi au fil du rythme. Nous l'instru, on la surine, préparer les insulines. On est là pour perdurer, tu peux lire entre les lignes. Y'aura pas de fausse vérité, nous on vise que les lignes. Y'en a qui sont prêts à tout pour faire une carrière brillante. Je veux être une étoile montante, mais pas une étoile filante. Prends-nous au sérieux comme concurrent, avant de penser à ton compte courant. Dans le rap tu t'avances à contre-courant. Encouragé par tous ceux qui nous entourent, malgré ceux qui nous emmerdent, qui nous mentent et nous enterrent. Prends-nous au sérieux comme concurrent, avant de penser à ton compte courant. Dans le rap tu t'avances à contre-courant. Encouragé par tous ceux qui nous entourent, malgré ceux qui nous emmerdent, qui nous mentent et nous enterrent. Prends-nous au sérieux comme concurrent, avant de penser à ton compte courant. Dans le rap tu t'avances à contre-courant. Encouragé par tous ceux qui nous entourent, malgré ceux qui nous emmerdent, qui nous mentent et nous enterrent. Prends-nous au sérieux comme concurrent, avant de penser à ton compte courant. Dans le rap tu t'avances à contre-courant. Encouragé par tous ceux qui nous entourent, malgré ceux qui nous emmerdent, qui nous mentent et nous enterrent.